Notice d'information au candidat à un poste au sein de l'autorité. La compromission, sous sa forme la plus ultime, reste le meilleur moyen de s'assurer la loyauté des futurs dirigeants. Un homme qui n'est pas compromis reste libre, et c'est cette liberté qu'il faut briser en amont pour éviter les futures trahisons. C'est pourquoi nous avons conservé au cours des décennies la tradition selon laquelle la prise de pouvoir doit se faire dans le sang, dans un baptême du sang la plupart du temps. Les vieux idéaux démocratiques avaient consacré une prise de pouvoir non violente contre laquelle nous devons nous ériger. Dans notre société opaque, seul un acte opaque et violent comme le meurtre peut élire et préparer un homme pour l'exercice du pouvoir. Par cet acte qui répugne à tout être civilisé, le candidat renonce à sa vie antérieure, à sa moralité enfantine, à son illusion d'œuvrer pour le bien. Il s'avoue la véritable dimension de sa soif de pouvoir. Il en embrasse du regard toutes les conséquences. Il crée entre lui et ses proches une barrière de secret que le temps et l'expérience ne font qu'épaissir. En somme, le rituel initiatique du meurtre élimine les candidats trop humains, trop faibles, trop lâches, trop ancrés de leur passé, trop idéalistes. Ce rituel est un filtre qui ne laisse passer que les individus déterminés à commander, et c'est cette vertu, et elle seule, que nous cherchons à éprouver. Une fois le meurtre perpétré, de la manière qui lui sera le mieux, le candidat ne sera aucunement intronisé dans un quelconque cénacle. Le rideau ne se lèvera pas davantage, et l'autorité qui pèse sur lui le surveillera d'encore plus près. Il fera parvenir à l'adresse indiquée ci-dessous un rapport circonstancié, et recevra différents codes et clés permettant de prendre en charge la communauté dont il a assassiné le chef. Il ne sera aucunement assisté dans cette prise en charge, et devra gérer son adaptation tout seul. C'est la raison pour laquelle nous laissons les candidats retenus pour une période probatoire dans une communauté de moindre importance. Toute atmosphère de révolte, toute vague, tout dysfonctionnement dans la communauté lui seront directement imputables. Il répondra personnellement de toute menace à l'encontre de l'ordre social. Sa responsabilité engage bien entendu sa personne physique ainsi que celle de tous les membres de sa communauté. Concernant les ordres que le futur dirigeant recevra, il lui appartiendra de les respecter aussi scrupuleusement que lorsqu'il faisait partie de la population neutre. L'autorité se réserve à tout moment le droit d'utiliser le dirigeant, de le déplacer et de l'effacer. Toute personne ayant eu connaissance de cette notice d'information et n'ayant pas accompli le rituel dans un délai d'un mois sera effacée.